l'histoire derrière la carrière. On la voit encore. Et la cabane, la première cabane, elle est au bout de la piste. Mmh. Et ça, c'est une cabane pour... Pendant le chantier, on entend les explosions. C'est une petite cabane de chasseurs. C'est un petit chalet, un petit chalet de chasseurs. Par là, la première petite cabane de la Vaudenne, elle est par là. Et la deuxième, elle est là où je t'ai dit, là-haut, le chalet. La vallée de la Vaudenne. Et là, c'est la tête de Somme. Quand tu es là, tu es sur Somme. Et quand tu es sur Somme, tu peux rejoindre en ligne droite le Miribel. Le Somme, comment on peut écrire Somme? Le Somme, alors ça, je n'ai jamais orthographié. La Vaudenne pour rejoindre Miribel. Là, tu as le chemin. Ce n'était pas quand on partait au Préseau, quand on passait à Miribel. Comment on appelle ce chemin là? Ben, c'était pas Miribel, le chemin qui allait au Préseau. Qui va à la Vaudenne. Au chemin forestier. Et après, on rejoignait vers le. Après, le chemin forestier. Sur la Vaudenne. Oui, ça traversait. Ben, c'est ça, c'est en passant par la tête du son. Il est tout droit, il est droit ce chemin. Et il va jusqu'à Miribel. Je te montre les écombailles avec la source du Préseau. Du Pouezeau. Non, mais, mais après, tu ne peux pas descendre, tu vas à la source et après c'est la combe. Après, il y a une combe. Ah, super. J'ai mis déjà mes affaires. Il n'y a pas de chemin. Alors, on va à travers le Miribel. C'est un peu plus bas que le hameau de Miribel, la source. Oui, et après, tu vas sur Somme. Tu vas là. Eh bien, tu vas à la combe. Vous allez chercher l'eau. Alors, attends. La combe de la Vaudenne. Voilà. Roche-écureuil. La Roche-écureuil, c'est là. C'est ça, la Roche-écureuil.